fierté m'a empêché de sauver notre amour. Je ne t'ai pas dit que je pleurais depuis des jours, que mon cœur si orgueilleux te pardonnait déjà. Ma fierté m'a empêché de courir dans tes bras, et le train s'en va, et je reste là, mes regrets au cœur, le visage en pleurs, et le train s'en va. De te tendre la main, de sourire en te parlant simplement de demain, d'avouer que malgré moi j'attendrai ton retour. Ma fierté m'a empêché de crier mon amour, et le train s'en va. Et je reste là, avec mon silence, avec ton absence, et le train s'en va.